Adrien Bouquet, Gamal Abina l'a dit tout à l'heure, Bakhmout qui est donc, on va dire qu'il revêt une valeur symbolique tant pour la Russie que pour l'Ukraine. Pour la Russie, parce que Moscou y voit donc un tremplin pour mener des offensives contre d'autres villes ukrainiennes, raison pour laquelle certainement Wagner met la pression au gouvernement russe pour avoir plus de munitions. Et Kiev, de son côté, veut préserver donc ce front qui est considéré comme essentiel pour lancer une quelconque contre-offensive. Adrien Bouquet. Bien sûr. Je vais vous donner mon avis personnel. Moi, ce coup de gueule qu'a donné le chef de Wagner, j'y ai cru moyen. C'est-à-dire, je me pose la question... Si ça n'a pas été planifié, si ça n'a pas été fait exprès pour bouger l'armée ukrainienne. Effectivement, le chef de Wagner, on est habitué à ses coups de gueule, cela n'étonne personne, mais de là à retirer l'entière de ses troupes au niveau de Bakhmout, alors qu'il a fait plus de 92%, je tiens à rappeler les précisions. Bakhmout, c'est une ville d'à peu près 45 km carrés. Au jour d'aujourd'hui, Wagner a pris le contrôle de plus de 42 km carrés. Donc c'est même pas les trois quarts, c'est même pas 80%, hein, on est plus sur du 94-95%. Il reste, comme il l'avait précisé avant ses menaces de partir, si ma mémoire est bonne, il reste à peu près entre 2,5 et 3 km à prendre pour avoir l'entièreté de cette ville de Bakhmout. Moi, c'est mon avis personnel, même en étant sur le terrain, que de toute façon, c'était pratiquement sûr qu'avec un coup de gueule comme ça, il allait recevoir ce qu'il allait demander. Ça, c'est une certitude, premièrement. Deuxièmement, ça aurait été une catastrophe pour l'armée russe de faire le remplacement, c'est-à-dire de récupérer les postes de Wagner, vous voyez, de faire des changements aussi colossaux, etc. Ça aurait été extrêmement dangereux de faire ceci. Donc, pour moi, ça a toujours été un petit peu bizarre. Alors, est-ce qu'on saura un jour si ce coup de gueule était vrai ou pas? Peut-être, l'avenir nous le dira. Mais moi, je vous le dis sincèrement, ça fait des mois et des mois qu'on attend cette fameuse contre-offensive ukrainienne. Comme par hasard, à quelques jours de cette peut-être contre-offensive, on avait l'impression que tout Wagner allait partir, etc. Moi, je suis à la place de l'Ukraine, je me dis, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Attendons que Wagner parte. Là, il y a des problèmes, on va y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est pas une tactique que Wagner a mis en place avec l'armée russe? C'est probable. Là, elle se termine. Mais qui vous dit que pendant ces 48 heures où on attendait la décision, s'ils allaient vraiment partir ou pas, il s'est peut-être passé des choses en 48 heures. Du côté des attaques, vous avez vu l'armée russe a envoyé plus de 35 drones, plus de 50 drones sur Kiev, et plus de 35 ont été donc interceptés sur la ville de Kiev. Donc, c'est qu'il s'est passé quelque chose déjà cette nuit. Parce que donc il y a eu une attaque d'envergure même au niveau des drones la nuit dernière. Donc c'est quand même à souligner. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 48 heures-là? Au niveau militaire, on ne le saura pas. Le secret défense oblige. Hein, mais moi, de ce que je connais du terrain, c'est-à-dire pratiquement 11 mois de terrain avec Wagner et l'armée de Russe, je pense plutôt que c'était une tactique militaire que des menaces véridiques. C'est mon avis personnel d'une personne qui est sur le terrain depuis 11 mois, mais on ne sait jamais. Là, en tout cas, effectivement, c'est une très bonne nouvelle qu'il ait eu gain de cause et qu'il va avoir toutes ses munitions, etc. Ça évite de faire justement ce changement extrêmement dangereux. Maintenant, va-t-il avoir une contre-offensive ukrainienne ou pas? En tout cas, Wagner est prêt, l'armée russe est prête, toutes les autres armées, DNR, LPR, etc., etc., tout le monde est prêt. Bon, je vous le dis sincèrement, j'attends de voir, je demande vraiment s'il va se passer quelque chose. Moi, je pense réellement qu'il va rien se passer, ou s'il se passe quelque chose, ça sera, comme a dit monsieur Abinat depuis plusieurs jours, ça sera quelque chose de symbolique. Je pense que son analyse par rapport à ça, il a entièrement raison. Est-ce qu'ils vont faire, ils vont concentrer peut-être une contre-offensive sur un petit village, sur une petite plaine, tout ça pour revendiquer la récupération d'un village ou la récupération d'un tout petit bout de terrain, parce que on va dire la grande spécialité de monsieur Zelensky, c'est que une toute petite chose d'en faire une très grande chose. Ça, c'est la spécialité à cet acteur d'Hollywood, hein, c'est-à-dire des petites choses, hein, d'en faire des montagnes. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Donc, je pense qu'effectivement, nous allons peut-être avoir une micro, hein, on va parler clairement, une micro-offensive. Et vous verrez dans l'Occident, les Américains, ça y est, l'Ukraine a réussi à prendre 500 mètres. C'est extraordinaire. On verra si je me trompe. Ça sera où ça, où il se passera rien du tout. Sachant qu'en plus, Wagner vient de confirmer que tout l'armement qu'il a besoin, il va l'avoir. Donc, je pense que la contre-offensive, on risque de ne pas l'avoir du côté ukrainien, mais plutôt du côté de chez Wagner, pour récupérer les 2,5 à 3 km qui manquent. Bakhmut sera pris, terminé. Et après Bakhmut, ça sera, comme dit Wagner, en avant-toute. Mais quand Bakhmut sera pris, le en avant-tout sera main dans la main avec l'armée russe. Sachant que au niveau de Bakhmut, Soledar et tous les villages aux alentours, sur 100% des soldats, vous avez quand même 80% de Wagner, 20% de l'armée russe. Ça, c'est une réalité. Donc quand Bakhmut sera vraiment pris entièrement, je pense que ça permettra, on va dire, de rebasculer peut-être sur un 50-50 entre Wagner et l'armée russe. Et autant vous dire que ce que l'armée russe avait annoncé, c'est-à-dire une préparation de 300 000 hommes il y a plus de 4 mois, je vous confirme que ces 300 000 hommes ont été entraînés, équipés, que la grande majorité sont déjà positionnés sur la ligne de front et le reste est en train de venir. Et je vous laisse également une chose très importante à ne pas oublier. Il ne faut pas, oublier l'armée tchétchène, qui avait d'ailleurs proposé de prendre les positions de Wagner pour aider le retrait de Wagner. Je vous le rappelle, hein, ça c'est aussi une information très importante, que ces troupes sont également des milliers de Tchétchènes surentraînés, de soldats de forces spéciales extrêmement bien équipés. Je vous confirme, hein, pour les avoir vus en entraînement, etc., ils ont des équipements extrêmement high-tech. Ce sont des hommes physiquement extrêmement aguerris. Et ces hommes-là ne sont pas encore arrivés sur le front. Donc, il ne faut pas l'oublier que l'armée russe a toujours des réserves. Et pour moi, les réserves de l'armée russe et de Wagner, ce sont donc cette armée tchétchène qui est en arrière, qui est un groupement de milliers d'hommes surentraînés, suréquipés et extrêmement motivés. Donc nous allons voir ce qui va se passer par la suite. Moi, au jour d'aujourd'hui, demain, nous célébrerons une journée très importante, extrêmement importante pour la Russie. J'espère qu'il ne va pas avoir d'attentats. Je vous rappelle, hein, les informations que des attentats ont été déjouer en Crimée, hein, que 7 personnes ont été arrêtées en Crimée, 2 à Moscou, des explosifs, des grenades retrouvées. Donc il y a eu quand même un énorme démantèlement d'un groupement terroriste, hein, des services secrets ukrainiens il y a quelques jours et quelques semaines. Espérons qu'il n'y en avait pas d'autres que le FSB n'a pas pu voir encore et qu'il ne se passera rien demain. En tout cas, vous pouvez compter sur Afrique Média, moi-même et nos correspondants pour vous retranscrire cette journée qui s'annonce assez exceptionnelle et sur haute tension qui va se dérouler demain. Depuis plusieurs jours, vous soutenez l'idée selon laquelle... Afrique Média, le monde, c'est nous.